et loin de murmurer d'un rigoureux décret, mourant sans déshonneur, je mourrai sans regret. L'affaire est d'importance et bien considérée mérite en plein conseil d'être délibérée. Dans ce sens, remettez Chimène en sa maison. Don Diègue aura ma cour et sa foi en prison. Qu'on me cherche son fils, je vous ferai justice. Il est juste, grand roi, qu'un meurtrier périsse. Prends du repos, ma fille, et calme tes douleurs. M'ordonner du repos, c'est croître mes malheurs.